Chapitre 11 où Germaine disparaît. Germaine et sa mère achevaient de dîner quand on sonna à la porte de leur appartement. C'était un petit télégraphiste apportant un message téléphoné d'Escander. « Venez me rejoindre immédiatement, Escander. » La jeune fille avait quitté le journaliste à 4 heures, après avoir rédigé une vingtaine de lignes, sur différentes communications à l'Académie de médecine. Elle fut surprise de cet appel, mais elle connaissait trop Escander pour douter que la chose fût d'importance. Elle termina rapidement son dîner et sortit. En bas, devant la porte, un chauffeur était en train de remettre son moteur en marche. « Taxi, madame, » dit-il. Germaine ne s'arrêta pas à examiner ce chauffeur. Elle se dirigea vers la voiture dont l'homme ouvrit la portière. « Au monde, » dit-elle, « boulevard des Italiens. » L'homme referma la portière, monta sur le siège et, d'un coup de volant, dirigea sa voiture vers le milieu de la chaussée. Germaine, dès qu'elle fut assise, se sentit saisie par une étrange odeur qui la suffoqua. Elle voulut abaisser une vitre, mais ne put y parvenir. Elle essaya d'ouvrir la portière, mais il n'y avait pas de poignée intérieure. Commençant à être inquiète, la jeune fille frappa contre la glace qui la séparait du chauffeur, mais celui-ci n'entendit pas, ou feignit de ne pas l'entendre. Alors Germaine, qui se sentait prise d'un étrange malaise, essaya de briser l'une des vitres, mais le geste fut à peine esquissé, car elle tomba sans connaissance sur les coussins. L'auto fila dans la nuit à vive allure, gagna les boulevards qui entourent Paris, sortit par la porte Maillot, et, tournant à gauche, traversant le bois, elle s'arrêta au-delà de Suresnes, à côté d'une puissante limousine qui semblait l'attendre. En effet, deux hommes descendirent de la limousine, ouvrirent la portière de la voiture qui avait amené Germaine, saisirent celle-ci et la portèrent dans la puissante voiture. L'un des deux hommes monta près d'elle, l'autre grimpa sur le siège du chauffeur, et les deux voitures s'éloignèrent dans des directions opposées. Pendant ce temps, Escander et le sautaire avaient un long entretien. Le reporter avait fait part à son rédacteur en chef des faits qui justifiaient ses soupçons, et les deux hommes, afin de susciter soit un événement nouveau, soit une déclaration d'inconnu, avaient décidé qu'on ferait paraître une note en première page ainsi conçue. Très important. Toute personne qui pourrait fournir des renseignements sur un certain Jacques Lambert, chimiste, qui a quitté Paris il y a environ 2 ans, et prié de se présenter au journal. Cette note parut le lendemain. À 11 heures, quand Escander arriva au Monde, on lui donna son courrier. Dans celui-ci, une enveloppe qui avait été remise par un porteur, sans passer par la poste, contenait cette déclaration anonyme. Il serait dangereux pour M. Escander, ou pour ceux qu'il aime, de s'occuper davantage de Jacques Lambert. Le jeune homme bondit chez le sautaire, et lui soumit cette étrange et menaçante missive. « Aurions-nous mis dans le mille ?» dit le sautaire. « C'est sûr, » dit Escander, « la bête est débûchée, nous allons en connaître le poil, la chasse commence. » Il finissait à peine de prononcer ces mots qu'un garçon se présenta. Madame Laurière demandait Escander. Celui-ci se rendit aussitôt près d'elle. L'aspect de la pauvre femme le terrifia. À peine coiffée, les yeux rougis par les larmes, toute tremblante, elle se précipita vers le jeune homme. Un seul mot qu'elle bégaya renseigna immédiatement celui-ci. « Germaine ! Eh bien, madame, que lui est-il arrivé ?»« Partie. Depuis hier. Elle n'est pas revenue. » La pauvre femme éclata en sanglots. Escander était devenu affreusement pâle. Il chancela et dut s'appuyer au mur. Mais ces sortes de défaillances étaient rares et courtes chez lui. Il reprit possession de lui-même, fit asseoir la vieille dame et l'interrogea. Ce qu'il apprit, nos lecteurs le savent. Germaine, appelée par Escander, avait quitté sa mère vers 8h30 et n'avait pas reparu. Le journaliste avait repris son calme. Il consola, rassura la pauvre mère et la renvoya chez elle un peu moins troublée. C'était un caractère faible sur lequel on prenait vite un grand empire. Resté seul, Escander remonta chez le sautaire. Celui-ci, en voyant le visage ravagé de son collaborateur, s'inquiéta. « Qu'avez-vous ? Mademoiselle Laurière a été enlevée. Enlevée ? Oui, les auteurs de la lettre que j'ai reçue ce matin ont dû la prendre comme otage. C'est impossible. C'est certain. Alors, comprenez-moi bien, patron. Cette jeune fille, c'est ma vie, je l'aime. Elle est la raison de ma volonté, le but de mon courage. Alors, je n'existe plus. » Des larmes coulaient sur le visage énergique d'Escander. Cet homme qui avait tant de fois le sourire aux lèvres, bravé la mort, qui, pour remplir son devoir d'informateur, avait vécu dans des villes ravagées par la peste, cet homme pleurait comme un enfant. « Allons, Escander !» Sous ce coup de fouet, le pauvre garçon se redressa. « Nous allons, continua le sautaire, prévenir l'intérieur. Avant ce soir, nous saurons où est Mademoiselle Laurière. Non, non, ne faites rien. Qui sait en quelles mains elle est tombée? Qui sait si la moindre démarche ne serait pas un danger pour sa vie? Laissez-moi agir. Donnez-moi de l'argent. Beaucoup. Sans argent, on ne peut rien. Et devrais-je bouleverser le monde? Je la retrouverai. Je la retrouverai. » Il cria ces derniers mots avec une conviction telle que le sautaire en fut émerveillé. « Vous avez carte blanche, et je vous ouvre un crédit d'un million. » Escander, dont les lèvres tremblaient, balbutia un « merci », et de nouveau ses larmes coulèrent. Alors le sautaire se leva. Il attira Escander sur sa poitrine, et ces deux hommes, qui s'aimaient et s'appréciaient, s'embrassèrent d'une longue étreinte.